Dossier 2. Livre, page 24. Question A. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment je peux vous aider? Je voudrais 1 litre de lait et 1 boîte de farine. C'est tout? Il me faut encore 12 d'œufs. Tenez, voilà ce qu'il vous faut. Je vous dois combien? Le total, c'est 1 500 livres syriennes. Merci, monsieur.